normalement, comment ça passe? En fait, je sais plus. Voilà, c'est. Faut pas que ça soit trop long volontairement. J'ai attendu un peu après le Marlub pour qu'il nous reste 1 heure. Pour les chats, comme ça nous fait une assise d'une heure. Je me suis dit 1h15, peut-être ça fait un peu long. Après, si vous voulez, là, demain on commence directement. On peut commencer directement. On fait comme ça. 10 minutes après la prière, le temps qu'on fasse des décles, tout ça. Taïm. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنواصل دراستنا بحمد الله جل وعلا في كتاب الصلاة ونسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة كما نسأل الله جل وعلا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وبعد. Donc on va continuer inshallah sur le livre concernant la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en implorant qu'Allah azza wa jal nous accorde la sincérité à travers les paroles et les actions, et qui nous accorde la compréhension de notre religion en remerciant Allah Azza wa Jal qui nous a facilité l'apprentissage de sa religion. Alladhi yassara lana hadhihi al-liqa'at litafaqquh fi ad-din wa dirasat al-masail al-shar'iyyah wa khassatan hadhihi al-masail al-muta'alliqa bi ahkam as-salah nahmaduhu jalla wa ala. فهذه من نعم الله عز وجل أننا مجتمعين في بيت من بيوت الله لنتذاكر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذه من أعظم النعم التي أنعمها الله علينا في هذه الدنيا أننا مجتمعين في بيت من بيوت الله ونتعلم نتفقه في دين الله عز وجل إذا أراد الله بعبده خيرا يفقه في الدين والله جل وعلا يسر لنا هذا اللقاء ونتدارس مسائل شرعية متعلقة بأحكام الصلاة وأن الصلاة من أعظم العبادات التي شرعها الله سبحانه وتعالى لعباده فهذه نعمة عظيمة نحن جالسين قاعدين بحمد الله جل وعلا في بيت من بيوت الله ونقرأ ما تيسر لنا من معلومات ومن علم التي كتبها وألفها العلماء في كتبهم وهذا من نعم الله عز وجل نحمده جل وعلا ونسأله المزيد من فضله سبحانه وتعالى وأن يوفقنا جميعا لكل ما يحبه ويرضى وبعد. Donc les frères, ce qu'on fait c'est pas négligeable, c'est quelque chose d'immense d'être réunis dans une mosquée, dans une demeure parmi les demeures d'Allah Azza wa Jal, pour apprendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. En l'occurrence, on apprend les règles et la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça fait partie des plus grands bienfaits. Celui qu'Allah Jalla wa ala lui a mis l'amour du savoir et du ilm dans son cœur, et il aime al-jalasat wal-liqa'at wal-halaqat, il aime s'asseoir dans les assises de science. Celui par exemple qui a parcouru, qui est venu à pied, celui qui est venu avec sa monture, en voiture ou autre transport, pour s'asseoir et écouter des hadiths du prophète sallam, et dont on va apprendre ici à essayer de maîtriser notre prière. Il y a des gens qui prient depuis des décennies, une vingtaine d'années, une trentaine d'années, et ne maîtrisent pas la prière. Ils ne prient pas comme le prophète ensemble nous a enseigné. Et c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Pourquoi? Parce que le prophète ensemble, alladhi huwa sadiq al-masdour, est celui qui est venu à la nation avec bonté, avec douceur. Un jour, le prophète nous est rapporté qu'un homme est rentré, fil masjidi, comme a zakara al-musannif, wa zakara nabi had al-hadith al-azim. Un homme est rentré fil masjid, wa nabi sallam kana fi zawiyat al-masjid. L'homme est rentré, il a prié. Nabi sallallahu alayhi wa sallam ensuite était dans un coin de la mosquée. L'homme, ja'a ila nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ata ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Faqala sallallahu alayhi wa sallam alayka as-salam. Irja fa salli fa innaka lam tusalli. Le prophète lui a dit, lorsque l'homme est venu vers lui, il lui a dit salam alaykum ya rasulallah. Le prophète lui a dit wa alayka as-salam, que le salut et la paix soient sur toi. Retourne prier car tu n'as pas prié. Cet homme-là, c'était le messager d'Allah qui a dit à cet homme, retourne prier car tu n'as pas prié. Alors que vous connaissez le prophète, sallam, était un homme bon, doux. Et donc si le prophète et ceux qui connaissent le messager d'Allah, et plus on étudie, que ce soit As-Sira, mais aussi Al-Fiqh, la jurisprudence, que ce soit Fiqh Al-Mu'amalat ou Fiqh Al-Ibadat, plus on étudie la jurisprudence, que ce soit la jurisprudence liée aux adorations ou la jurisprudence liée à Al-Muhammalat, vous allez connaître le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Comment le prophète répond aux questions. Vous voyez, par exemple, si vous étudiez le fiqh du hajj, du pèlerinage, vous allez voir qu'à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les gens posaient des questions au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que parfois, ils tombaient dans ce qu'on appelle mahdhurat al-ihram, dans des interdits lorsqu'on est en état de sacralité. Et le prophète souvent répondait, la haraj, il n'y a pas de gêne. Le prophète facilitait beaucoup. Et lorsque vous regardez dans les réponses du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, souvent il facilitait. Il facilitait. Regardez lorsque un compagnon, un jour, est rentré dans la mosquée et il a voulu rejoindre la prière. Alors que l'imam, il était raqia. Et il a kabbar, ensuite s'est incliné et il a avancé pour rejoindre le groupe. Il n'est pas rentré dans la mosquée, rejoint le groupe et il a kabbar. Mais il est venu, il a kabbar, s'est incliné et il a avancé pour rejoindre le groupe, pour pas rater raka'a, l'unité de prière, l'unité de prière. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adresse à lui, il lui a dit Zadakallahu hirsa, Zadakallahu hirsan, qu'Allah te rajoute al-hirs, du désir, de ce désir. Regardez, il a, parce qu'il avait un désir ardent de rejoindre sa prière, d'avoir la raka'a. Il voulait sa raka'a et pas la manquer. Le prophète, regardez la douceur du prophète. Zadakallahu hirsan wa la ta'ud. Et le prophète se dit, qu'Allah te rajoute du hirs, mais ne recommence pas. Regardez comment le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, enseignait. Et c'est pour cela qu'ensuite, cette manière-là, ensuite, on traitera dans ce qui viendra, dans la description de la prière, on parlera de la prière de cette manière de faire, wa kalam al-ulama fi hada. Pourquoi? Parce qu'il y a ce hadith que les savants ont pris en compte, mais il y a d'autres choses, d'autres éléments que les savants ont pris en compte pour ensuite émettre un jugement définitif sur est-ce qu'on peut faire cela ou pas. Ça viendra, inshallah. Là, c'était juste pour, regardez, observer la manière dont le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, enseignait à ses compagnons. Et regardez, lorsque vous lisez Ahkam al-Salat, al-Siyam, al-Hajj, par exemple, vous allez voir comment le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, répondait aux questions et comment le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et la bénédiction soit sur lui, prière et bénédiction soit sur lui, orientait et facilitait à ses compagnons. S'il dit, alors que le prophète est celui qui avait un grand souci pour la nation, à cet homme, après qu'il ait salué, retourne et va prier, c'est qu'on voit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, accordait une grande importance à la prière. Et comme on avait stipulé cela dans l'assise dernière, on avait dit ça, il y a près de 15 siècles. C'était l'époque de la révélation. L'époque où cet homme voyait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il vivait en ce temps qu'il y avait le prophète, les compagnons, la révélation du livre, du Coran. Pourtant, il a mal prié. Et d'ailleurs, ce récit-là, ce hadith-là, il est appelé le récit de Moussi as-Salah, celui qui a mal prié. à l'époque du prophète, et il réitéra sa prière. Donc, il a écouté et obéi au prophète, lorsque le prophète lui a dit, reviens et prie, ou repars et prie, car tu n'as pas prié. Il est reparti prier. Il a refait une prière, il est revenu, et a dit au prophète, salam alaykoum alayka salam, retourne et prie, car tu n'as pas prié. Certains rivayats, ils mentionnent, ça s'est fait 3 fois. Jusqu'à ce que l'homme dit, ya Rasulallah, je n'ai pas appris et je ne connais pas autre chose. Et c'est là que le prophète ensemble lui a enseigné ensuite la manière de prier. Et la quiétude qu'il faut y avoir, ou qu'il faut avoir pendant la prière et pendant les piliers ou les différentes positions. De là, on comprend que c'était lié à la quiétude. Le fait que l'homme ne pratiquait pas toutes les positions dans la complétude, avec quiétude. Et ma'anina, et c'est kina. Et le prophète lui a enseigné ensuite la prière. Ça prouve l'importance de la bonne pratique de la prière. Et là, c'est une ni'ma. Là, vous allez voir ce qui arrive, ce qu'on apprend là. On va prendre les détails de la prière. Et pour cela, demandant à Allah Azza wa Jalla qui nous accorde l'assistance et l'aide, on va parfois, comme j'ai dit, on s'appuie sur le livre du grand faqih de notre époque, chez Mohammed ibn Saleh al-Athaymin, rahmatullah alayh. Mais comme on a dit, ça n'exclut pas que parfois, on puisse revenir et revérifier les hadiths, par exemple, qui sont mentionnés dans la description de la prière de Sheikh al-Albani, rahmatullah alayh, avec le commentaire d'un savant contemporain, un savant de la Mecque, justement, qui a commenté justement Sifat ce kitab-là, Sifat Salat al-Nabi, avec des annotations immensément pertinentes. C'est vraiment une nirma qu'on puisse traduire ça et qu'on puisse se rappeler ça et apprendre. Vous allez voir, on va apprendre des points très bénéfiques dans la prière qui servent ensuite pour le croyant. Celui qui apprend ça, ça va lui servir tout au long de sa vie. Chaque jour, c'est bénéfique pour lui ce savoir parce que ça va lui faciliter la pratique de sa prière. Et chaque jour, comme on prie, vous allez voir, le fait de prier avec connaissance, eh ben, ça facilite. Celui qui connaît pas, parfois, il fait des choses dans la prière, et parfois, Shaitan va le perturber. Il va dire, mais est-ce que tu avais le droit de faire ça? Ou est-ce que tu n'avais pas le droit de faire ça? Et donc, parfois, ensuite, on est perturbé dans la prière. Mais celui qui maîtrise ce qu'il fait, il connaît les moindres détails de ce qu'il fait, de la prière, alors c'est une facilité. Et c'est plus à même ensuite de repousser les attaques de Shaitan, puisque les attaques de Shaitan pendant la prière, elles sont multiples. Et parfois, c'est lié à la concentration, essayer de nous déconcentrer, nous faire penser à quelque chose d'autre, mais parfois c'est lié à d'autres points. Al-Muhim. Donc on va continuer, Inch'Allah, et on s'est arrêté dans les dernières assises concernant la prière, lorsqu'on parlait du début de la prière. Donc on a dit, après avoir décrit la préparation, l'auteur nous a parlé de la préparation pendant la prière, ensuite on avait parlé de Takbirat al-Ihram. Et on avait dit, la manière de faire Takbirat al-Ihram, on avait bien dit que le premier Takbir, le fait de dire Allahu Akbar, c'est le premier. Celui-là est un pilier. Tant qu'on ne l'a pas dit, on n'est pas rentré dans la prière. Allahu Akbar. Pour rentrer dans la prière. Et l'auteur nous avait fait un rappel sur la prononciation du takbir, bien le prononcer. Donc, pas prolonger à des moments où il n'y a pas de prolongation. Par exemple, Allahu Akbar, comme certains font, dans le adhan, ou dans l'iqama, ou dans le takbir. Allahu Akbar. Là, il y a différentes erreurs. Il y a une prolongation dans le alif, dans l'afd al-jalala. Et ça, en langue arabe, c'est comme s'il y a une interrogation. Est-ce que Allah, ça veut dire? Si vous prolongez le alif au début, Allah, est-ce que Allah, en sens littéral? Akbar, si on met une prolongation à Akbar, là c'est plus le plus grand, puisque Akbar c'est le superlatif, c'est un superlatif pour dire le plus grand. Et là, c'est plus dans ce sens-là. Certains s'en disent, c'est le nom d'un instrument de musique. Akbar. Donc vous avez vu, donc bien prononcer Allahu Akbar. Et avec un dhamma fi lafz al-jalala, Allahu Akbar. Si on met waw comme beaucoup le prononcent, Allahu Akbar, à la base c'est Allahu Akbar, mais certains savants disent que ça ne change pas le sens. Ça ne change pas le sens, quoique c'est Allahu Akbar. Mais dans les règles de la langue arabe, Cheikh Ibn Al-Thaymin dit que celui qui dit comme cela fait l'erreur, ça ne change pas le sens. C'est ça pas le degré de gravité de Allah ou bien Allahu Akbar. Taïb. Ça, c'est en ce qui concerne l'offre de Jalala. On a dit, ce qu'il faut dire, c'est Allahu Akbar. On ne peut pas dire Allahu Azim, Allahu Ajal, ou d'autres formules. Ce qu'il faut dire, c'est Allahu Akbar, comme on l'avait dit. Ensuite, la Sunna. Donc ça, c'est ça le pilier. C'est de dire. Ensuite, on avait dit, lever les mains, c'est Sunna. C'est Sunna, il faut lever les mains. C'est la Sunna du prophète, sallam. On avait parlé des sagesses. Cheikh Ibn Al-Thaymin a mentionné trois sagesses. D'autres savants ont émis des sagesses. Et d'autres savants, ils ont dit, on lève les mains, même si on ne connaît pas la raison. Et la sagesse pour laquelle on lève les mains. Certains savants, ils ont dit, on ne connaît pas forcément pourquoi est-ce qu'il faut lever les mains. Lorsqu'on dit, Allahu Akbar, pourquoi ? Quelle est la sagesse ? Certains ont dit, on n'a pas forcément la connaissance. C'est l'avis de certains savants. En disant, mais même si on n'a pas la connaissance de la raison et de la sagesse, pourquoi est-ce qu'on lève les mains ? On le fait par suivi de la tradition du prophète, sans simple, parce que le prophète sans simple levait les mains. Sinon, d'autres savants ont émis des sagesses. Comme c'est rapporté de l'imam Shafi'i, que lui, un jour, il a dirigé la prière dans une région, et les gens lui ont demandé, lorsqu'ils l'ont vu lever les mains, pourquoi est-ce qu'il levait les mains ? Et l'imam Shafi'i, il a rapporté qu'il disait, il faisait allusion à la grandeur, ta'zimillahi azza wa jal, à la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'était ça, c'était le fait de faire allusion à la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'on lève les mains. Ça, c'est l'avis de certains savants. Ils disent parmi les sagesses, certains disent on connaît pas forcément les sagesses du pourquoi on lève les mains. Et d'autres savants, ils ont émis des sagesses. Donc ici, c'est pour faire allusion à la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'autres savants, comme vous pouvez voir aussi, fait Adab al-Mashid al-Salat, du grand auteur, al-Mujaddid, fait Adab al-Asl, il dit dans son livre, Kitab, Adab al-Mashi ila al-Salah, il dit que ça, lorsqu'on lève les mains, on enlève le voile qu'il y a entre le prieur et Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi ? Parce qu'ensuite il va s'adresser à son créateur subhanahu wa ta'ala. Ça fait partie des sagesses. Certains savants ont rajouté même des sagesses. Cheikh Ibn Al-Thaymin avait mentionné trois sagesses. Il dit dans la première, At-ta'assi bi-fi'li Rasulillah, le fait de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains savants ont même dit que pour ceux qui sont derrière et qui, par exemple, n'entendent pas l'imam dire Allahu Akbar, par exemple, le fait de voir de derrière, le fait de lever les mains, ça montre que l'imam a dit Allahu Akbar. Ça, certains ont mentionné ça parmi les sagesses. Là, on est dans les sagesses. Vous comprenez ? Al-Hikam, Al-Hikma. Pourquoi est-ce qu'on lève les mains ? Ensuite, on a dit, donc on commence la prière. Que ce soit l'imam, que ce soit le prieur, le fidèle derrière l'imam, il lève les mains. Que ce soit celui qui prie seul, il lève les mains. Que ce soit l'homme ou bien la femme, ou bien l'enfant. C'est la règle pour tout le monde. Lever les mains, c'est la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, attention, dit, وَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. Et celui qui se détourne, s'écarte de ma sunna, ne fait pas partie des nôtres. C'est important la sunna, puisque vous allez voir, il y a des choses, on va dire, c'est la sunna. C'est la sunna. Ça veut dire que, puisqu'on va bien traiter des ahkam shar'iyya dans la prière, qu'est-ce qui est obligatoire, qu'est-ce qui n'est pas obligatoire, qu'est-ce qui est pilier, ça sera important pour savoir ensuite comment corriger sa prière, de faire la différence entre ce qui est surrogatoire, obligatoire. Mais lorsqu'on dit qu'une chose, elle est sunna, ça doit dire c'est sunna. Comme certains disent, l'ahya, tu dis, sunna, eh, naam sunna. Sunna, chez Azim. C'est quelque chose d'immense quand on dit sunna, c'est la chose la plus chère dans notre cœur. Certains, lorsqu'ils disent sunna, c'est comme si c'est rien. Sunna. Mais quand on dit sunna, c'est Azim. C'est quelque chose d'immense, c'est la sunna. Lever les mains, c'est sunna. Lorsqu'on dit sunna, une personne dira, je lève pas les mains, c'est sunna. Non, au contraire. Il faut lever les mains. Celui qui aime la sunna, qui avame la sunna du prophète, va lever les mains. Comprenez ? Donc on lève les mains. On avait dit, on peut lever les mains donc en disant Allahu Akbar avant de dire Allahu Akbar ou après. On avait dit les trois c'est rapporté. Les trois sont rapportés. Avant de dire Takbir, bien sûr, on a ce qu'on appelle l'Iqama. Iqama tussalat. L'Iqama, le fait de dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya salah, hayya al-falah, qad qamat as-salah, qad qamat as-salah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ça c'est l'Iqama. Donc chacun le dit. Sauf que dans la prière en groupe, c'est al-muadhdhin qui le dit pour tout le monde. Ensuite, ça montre Iqamat as-salah. Ça montre Iqamat as-salah. Et on a dit que les fidèles se lève au moment où le muadhdhin dit qad qamat as-salah, qad qamat as-salah. Les fidèles se lèvent à ce moment-là. Lorsque le muadhdhin commence l'iqama et on va prier en groupe, Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya as-salah, hayya al-falah, qad qamat as-salah. Là, ils entendent qad. Là, les fidèles se lèvent. À part s'il voit l'imam, il se lève à la vision de l'imam. Si l'imam est arrivé, alors là les fidèles se lèvent. S'ils n'ont pas vu l'imam, ils ne voient pas l'imam, alors à ce moment-là, lorsque le muadhdhin dit qad qamat as-salah, qad. Si ils savent pas que l'imam est là ou il est pas là. Ils savent pas. Se lève pas. On se lève pas pour la prière. On attend. Par contre, lorsqu'on sait que l'imam il est là, alors au moment que le muadhdhin il dit qad qamat as-salah, là les fidèles se lèvent. Les fidèles se lèvent. Si on sait que l'imam n'est pas là et le muadhdhin il dit qad qamat as-salah, certains savants disent ils se lèvent pas. On attend l'imam. On attend l'imam. Wahakala. Est-ce que ça, l'iqama, c'est pour les hommes? Pour les hommes. Les femmes, elles n'ont pas à faire l'iqama. Selon l'avis de beaucoup de savants, elles n'ont ni adhan et ni iqama. Donc les femmes, elles n'ont pas l'obligation de faire l'iqama. Ça, c'est pour les hommes. Donc elles n'ont pas d'adhan et pas de iqama. Par contre, si elles l'ont fait, certains savants disent la haraj. Si elles font l'iqama, la haraj, la basse. Sinon, à la base, elles prient directement, elles font at-takbir, sans faire forcément de adhan et ni de iqama. Par contre, si elles l'ont fait, la basse. Il n'y a pas de mal. Celui qui rentre dans la prière, ou un nasiya al-iqama, et a oublié al-iqama, et continue dans sa prière, et sa prière est valable. Celui qui a oublié al-iqama, n'a pas fait l'iqama, et elle a commencé la prière, sa prière elle est bonne et valable. Il n'a pas besoin de réitérer, de refaire sa prière. Pourquoi? Parce que ça peut arriver qu'une personne, après qu'il ait fini la prière, il se rend compte, il se rappelle qu'il n'a pas fait l'iqama. Alors si il se rappelle qu'il n'a pas fait l'iqama, il ne réitère pas, il ne recommence pas sa prière est valable. Ensuite, on avait dit que on va poser les mains, à titre de révision, très rapidement et on avance. On pose les mains ensuite sur la main droite, sur la main gauche. On avait dit différentes manières. La main droite, la paume de la main droite sur la main gauche, comme cela. Ou bien, une autre manière, l'extrémité des doigts de la main droite sur l'avant-bras gauche. Sur l'avant-bras comme, gauche, comme cela. On peut comme ça. La paume de la main droite sur la main gauche, comme cela, comme on peut comme cela. Avance un peu, et l'extrémité de la main droite sur l'avant-bras, comme cela. Et on peut faire al-qabd, attraper le poignet avec la main droite. Tout cela, c'est rapporté, il y a des récits authentique, là on révise, sinon dans les autres assises on avait mentionné al-ahadith. Nous, le plus important dans l'assise qu'il faut retourner les frères, c'est ad-dalil. Concentrez-vous sur les textes, ce qui est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que dans les assises précédentes, on avait lu une très belle parole, que j'avais lu les premiers points, mais ensuite J'ai référé les frères pour les arabophones, ceux qui voulaient continuer à lire les différents points qu'a mentionné justement Cheikh Al-Albani dans Sifat al-Salat al-Nabi, où il mentionne des points concernant la déduction des textes. Il avait mentionné une très belle faïda, je vous réfère cela. Moi j'ai évoqué quelques points ensuite, j'ai avancé sinon ça aurait été long. Sur la déduction des hadiths du prophète, comment déduire ? Al-Ahkam al-Shar'iyya. Puisque Cheikh a dit, tous les hadiths, c'est une très belle faïda, il dit tous les hadiths que vous allez voir concernant la description de la prière du prophète, tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait, il dit en fait, c'est l'explication, la clarification de la parole d'Allah, wa aqimu salah, dans le Coran. Wa aqimu salah. Allah, lorsqu'il dit, et accomplissez la prière. Tout ce qu'il dit, les savants ont dit, tout ce qui est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la description de la prière, en fait, c'est l'explication du verset « Wa aqimu salah ». Pourquoi ? Parce que le prophète sème sa prière, elle nous enseigne comment accomplir la prière. Allah dans le Coran nous ordonne d'accomplir la prière. Tout ce qu'on va voir à travers les textes de la description de la prière du prophète, sallam, ça nous explique l'ordre divin, comment l'accomplir cette prière, comme le prophète sallam, l'a fait. Et vous vous en souvenez lorsqu'on avait mentionné l'histoire ? L'histoire, l'une des versions du récit, lorsque le prophète a dit « Sallu kama ra'aytumuni » au salli, priez comme vous m'avez vu prier. On avait dit que des jeunes gens, bar de Shabab, étaient venus au prophète, sallam, wa aqamu indahu ashrina yawman, vous en rappelez ? Et qu'ils sont restés auprès du prophète une vingtaine de jours. Ensuite, le prophète avait ressenti que leurs proches leur manquaient. Que leurs proches leur manquaient. Donc ensuite, le prophète, en s'adressant à eux, leur a enjoint de rejoindre leurs proches. Mais de rester auprès d'eux et de leur enseigner. Le prophète leur avait dit, wa'allimuhum, enseignez-leur. Et le rapporteur avait dit, il y a des choses qu'avait dites le prophète dont je me rappelle et des choses dont je me rappelle pas. Mais ce que le prophète leur avait dit, enseignez-leur. Parce qu'ils ont appris auprès du prophète pendant ces jours-là. Et parmi les choses que le prophète leur avait dit, wa'sallu kama ra'aytumuni, wa'salli. Et priez comme vous m'avez vu prier. Donc, tout ce qui nous est rapporté détaille l'ordre divin, wa'aqimu as-salah. On avait lu différents points sur ça dans les assises précédentes et je réfère les frères de compléter puisque le Cheikh va nous expliquer dedans et explique dedans comment déduire. Comment déduire. Al-Ahkam al-Shar'iyya. Ensuite, on avait dit, après parler sur la position des mains, on avait dit les endroits qui sont rapportés. C'est pour ça, comme j'ai dit précédemment, concentrez-vous bien sur les textes. Là, je ne les répète pas puisqu'on les a évoqué al-adilla fi ad-durus as-sabiqa. On a évoqué les dalils avec les rapporteurs. Mais vous, dans tout ce qu'on dit, c'est ce qui importe, c'est vraiment les textes. Comme ça, vous êtes sûr que ce que vous faites, c'est tiré de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on apprend de cette manière, on sait ensuite que tout ce qu'on fait pendant la prière, pourquoi ? Plus tard, vous allez oublier les preuves. Certains vont continuer dans l'apprentissage, et au contraire, avec le temps, ils vont apprendre Al-Adillah, et puis d'autres, peut-être, ils vont vaquer à d'autres préoccupations, et ils vont pas forcément se rappeler de ce qu'on a appris, des preuves. Mais qu'est-ce qui va leur rester ? La pratique. Il va rester la pratique. S'ils ont oublié Al-Adillah, s'ils ont oublié les preuves, eux savent que, quand même, ce qu'ils font dans la prière, ce qu'ils disent, et ce qu'ils font, ils l'ont appris bit dalil. Voilà, on a si yad dalil. Même si le dalil, il l'a oublié. Ça, c'est très important. Et ça, c'est le conseil d'un savant qu'il a donné lorsqu'il a enseigné les trois principes. Al-usul al-thalatha. Le shir disait, apprenez bien bil-adillah. Même si avec le temps, vous oubliez les preuves, mais au moins, al-tawhid, vous l'avez appris avec les preuves. De sorte que ce que vous faites et vos croyances, vous savez que quoi qu'il arrive, vous l'avez appris avec les preuves. Voilà, on a cité al-dalil. Même si tu sais que tu as oublié al-dalil. C'est pour ça l'importance de prendre son savoir à la source. Comme ça, vous savez que tout ce que vous entendez, tout ce que vous prenez, c'est de la source. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, ils ont tellement tendu l'oreille à tout, alors ils sont dans un travail très compliqué. Il faut faire une sorte de purification, il faut purifier tout. Il y a des choses qu'il fait et qu'il connaît, Il doit tout vérifier. Est-ce que ça, en fait, c'est vraiment de la sunna du prophète? Est-ce que ça, en fait, c'est des traditions? Est-ce que ça, en fait, c'est rapporté? Est-ce que ça, c'est pas rapporté? Il y a des gens qui sont dans ce travail. Pourquoi? Parce que ils ont tellement entendu de choses, ils ont tellement tendu l'oreille à des choses qu'ils savent plus. Mais celui, par exemple, qui, lui, lorsqu'on parle de religion, lorsque ça parle de religion, là, ad-din, c'est question de religion. Comme disait un grand imam, Mohammed ibn Sirin, inna hada al-ilmu dinun, fanzuru an man ta'khudhu dinakum. Cette science est une religion. Regardez de qui vous prenez votre religion. Celui qui sait ça, tend pas l'oreille. Pour ça, les grands imams, quand il y avait des gens qui, pour eux, leur savoir était douteux, d'où est-ce qu'ils prenaient ces gens-là? Leur savoir était douteux, ils bouchaient l'oreille de leurs enfants. La tasma. Comme c'est rapporté, Ahmed ibn Hanbal, son fils, certaines assises, pourtant c'était des grands imams à l'époque, ils lui bouchaient l'oreille, n'écoute pas. Pour que tout ce qu'ensuite est dans le cœur du croyant, il sait que tout est pur. Ça, c'est important. Tu sais que ce que tu as appris, c'est pur. Pourquoi? Parce qu'on va oublier les preuves, souvent. Pourquoi je fais de telle manière? Tu vas oublier la preuve, mais au moins tu sais au fond de toi que si tu le fais comme ça, c'est que tu as appris bi et dalil. Ensuite, tu peux toujours vérifier. Allez te rappeler de dalil. Ça, c'est très important. Donc c'est pour ça que je vous dis, surtout concentrez-vous bien sur les textes. Donc on a dit ces trois manières de poser les mains, c'est rapporté dans les textes. Ça, c'est rapporté de manière claire. Ensuite, où poser les mains? Ce qui nous est rapporté, on avait dit sur la poitrine, comme ça, ou bien sous la poitrine, mais entre la poitrine et le nombril, comme ça, ou bien sous le nombril. Sous le nombril. Ça, c'est trois choses qui sont rapportées. Malgré qu'on avait dit que sous le nombril, elle est faible. C'est rapporté pas du prophète. Ça remonte pas au prophète, mais ça remonte à Ali ibn Abi Talib. Certaines manières remontent jusqu'à Ali ibn Abi Talib. Mais en tout cas, c'est ce que les savants disent. C'est ce qu'ils ont retrouvé parmi les choses qui sont rapportées. Où est-ce qu'on pose les mains? Alors, c'est ce qu'ils ont trouvé à travers la recherche des textes. Là, ou comme ça. Ça, c'est les choses qui sont rapportées. Sauf qu'on a dit le plus authentique, As-Sadr, sur la poitrine. C'est rapporté par Ibn Khuzaïma dans son authentique. C'est ce qui est plus authentique, fi hadal bab. Sinon, ce que les savants disent qu'ils ont retrouvé, des endroits qui sont rapportés, c'est ça. Malgré que certains endroits sont faibles, mais en tout cas, c'est les trois choses qui sont rapportées. Vous savez ça? Nous, on l'apprend en quelques minutes. On l'a dit là, en quelques minutes. Vous savez ça? C'est des recherches, je vais pas vous dire des heures de recherche. Ça, chez les savants, ça doit être des mois et des mois. Pourquoi? Comment est-ce qu'on pourrait affirmer, il y a que ça qui est rapporté fi hadal bab? Il y a que ça. Il n'y a pas un autre endroit. Est-ce que quelqu'un peut confirmer qu'il n'y a pas d'autres textes? Confirmer un autre endroit, là. Je dis un exemple, hein, je dis une bêtise. Par exemple, là. C'est pas rapporté, hein. Mais un exemple. Ou un autre endroit par là. Ou comme ça. Qu'est-ce qui peut confirmer, affirmer qu'il n'y a pas une autre manière qui est rapportée? Pour l'affirmer, ça, il faudrait que la personne ait parcouru Kutub Sunan, tous les livres, les compilations, Al-Bukhari ou Muslim, ensuite Kutub Sitta, ensuite d'autres livres qui ne sont pas connus. Le Musnad de l'imam Ahmed, l'imam Ahmed a recueilli plus de 1 million de hadiths. Donc imaginez-vous, une personne qui dit « Non, il n'y a rien d'autre qui est rapporté fi hadal bab. » Donc tu as parcouru tous les livres de Sunan. Tout ce qui est rapporté du prophète, ensemble, ces millions et millions de hadiths, tu as la connaissance de ces millions pour dire qu'il n'y a rien d'autre qui est rapporté. Donc si les mashayikh, ils disent, voilà ce qui nous est rapporté, imaginez-vous les recherches derrière. En tout cas, là, c'est pour ça ce qu'on est en train d'apprendre, c'est pas de moi que vous l'apprenez, comme je vous ai dit, inna hada al-ilmun dinun fanzuru an man ta'khudhu dinakum. Certes, cette science est une religion, regardez de qui vous l'apprenez cette religion, c'est pas de moi, c'est de le mashaykh, c'est de l'ulama. Nous, on fait que l'effort de traduction. On lit, on traduit. Sinon, c'est les enseignements de ces grands fuqaha. Allahu a'lam, moi, je sais pas. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont rapportées fi hadal bab? Est-ce qu'il y a d'autres? On a d'autres récits rapportés? Allahu a'lam. Ce que nous dit Cheikh Ibn Uthaymeen, ce que nous disent les savants quand on regarde différents écrits, lorsque je compare, parce que je fais des recherches, je regarde l'Albani, ce qu'il dit, Ibn Uthaymeen, ce qu'il dit, ce qui ressort, c'est ces trois choses qui ressortent. Trois choses qui ressortent. Et si le ulama dit ça, je vous laisse imaginer le travail que c'est pour confirmer, il n'y a que ça qui est rapporté. Ils ont cherché, Fiyad al-Bab. Donc, par contre, on avait conclu une assise la fois dernière en disant le long du corps. De laisser le long du corps, ça, c'est pas rapporté du prophète. Il n'y a pas de texte remontant jusqu'au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui disent de laisser les mains le long du corps. Lorsque certains disent Allahu Akbar, ensuite ils laissent les mains le long du corps. Celui qui fait ça, il contredit la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, même s'il dit que c'est son imam qui le faisait. La parole du prophète est plus en droit d'être suivie. Et la sunna du prophète est plus en droit d'être suivie. Par contre, est-ce que celui qui fait ça, qui laisse ses mains le long du corps, est-ce que sa prière est valable? Naam. Oui, sa prière, elle est valable. On ne lui dit pas que ta prière, elle est bâtée là. Sa prière, elle est valable. Sauf que, il faut prier comme le prophète s'aime prier. La sunna, c'est de faire comme ça. S'il a mis les mains du long du corps, sa prière, elle est valable. Ensuite, de grands savants font un très beau conseil sur la question en disant qu'il ne faut pas se diviser et semer la haine pour cette question-là. De savoir que celui, par exemple, qui met ses mains comme ça, on lui enseigne. Bilati yarsen, avec bienveillance, avec bon comportement. On lui enseigne que ce qui est rapporté de la sunna du prophète, c'est de faire de telle manière. De toute manière, tout ce qu'on va apprendre ensuite, on l'enseigne, il faut l'enseigner, mais avec bienveillance. Bilati yarsen. Avec bon comportement. Mais celui, par exemple, qui fait de sa manière, elle est valable. Sa prière, elle n'est pas bâtie là. Sauf le fait de contredire la sunna du prophète, il ne faut pas. Il faut s'efforcer. Regardez le conseil du prophète, à ces jeunes, lorsqu'ils sont repartis. Et prier comme vous m'avez vu prier. Donc, ensuite, on était arrivé au moment où on va parler de quelque chose de très important. Lorsqu'on commence à prier après le takbir, on avait dit, ensuite, on doit regarder l'endroit de la prosternation. Où est-ce qu'on regarde? On regarde l'endroit de la prosternation. On a dit Allahu Akbar, ensuite, on pose ses mains. Et là, avec les différentes manières de faire, comme on a dit ça, comme ça, ou comme ça, comme on a dit, ensuite, là, avant de parler de ce qu'on va réciter, là, ce qu'il faut faire, les savants disent, comme va l'expliquer le Cheikh ici, de baisser légèrement la tête. De baisser légèrement la tête. Ne pas, dans la prière, laisser la tête haute comme ça. Ne pas laisser la tête haute. Et donc, ne pas regarder en haut. Regarder en haut, c'est interdit. Regarder en haut, c'est interdit. Pourquoi? Parce qu'on avait lu les hadiths sur le fait, l'interdiction de regarder en haut. Et donc, regarder en haut, c'est interdit. On ne regarde pas ni à droite, ni à gauche. Ni à droite, ni à gauche. Ceux, par exemple, qui prient en plein air, on ne regarde pas le ciel. C'est interdit. On ne regarde pas le ciel. Beaucoup de savants voient que c'est interdit. Au minimum, ils disent que c'est déconseillé. Mais beaucoup de savants, et comme dit l'auteur, Cheikh Ibn Uthaymeen, dans son livre, il dit que cela est interdit. Regardez ce qu'il dit. Cheikh, il dit, des gens de science estiment que si une personne lève la tête vers le ciel, pendant qu'elle prie, sa prière sera batila, sera nulle. Cheikh Ibn Uthaymeen dit, jusqu'à ce que certains savants disent que celui pendant sa prière, qui lève la tête et regarde le ciel, sa prière elle sera nulle. C'est l'avis de certains savants. Au minimum, certains savants disent que c'est déconseillé, mais sahih fi hadha al-bab, c'est que c'est interdit. C'est interdit de regarder le ciel, pourquoi? Parce qu'il y a des récits qui nous ont rapportés, où que le prophète sallam a dit qu'il cesse ceux qui regardent vers le ciel pendant la prière, qui lèvent leurs yeux vers le ciel, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ça c'est pendant la prière. Pendant dua, en dehors de la prière, c'est une autre question. Là on parle pendant la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il cesse c'est-à-dire ceux qui lèvent leurs yeux vers le ciel durant la prière, où ils perdront la vue. Où ils perdront la vue. Il même dit dans une autre version que celle-ci ne reviendra pas. Ils ne retrouveront pas la vue. Donc c'est pour ça que certains savants ensuite, ils ont dit que cela est interdit. Donc, lorsqu'ensuite on prie, on baisse légèrement la tête, sauf ne pas poser le menton sur la poitrine, comme certains font, comme ça. Faut pas coller le menton sur la poitrine, comme on avait dit, pas comme ça. Mais légèrement, très légèrement, ne pas avoir la tête comme ça vers le haut, ne pas avoir la tête trop basse, de sorte de coller le menton, mais laisser un espace entre le menton et la poitrine et fixer l'endroit de la prosternation. Voilà où est-ce qu'on regarde. Fixer l'endroit de la prosternation. Ça, c'est l'avis de beaucoup de savants. Pourquoi ? Parce qu'il y a un texte qui est rapporté. Ensuite, certains savants voient l'authentification du récit et d'autres savants non. C'est pour ça que ça ne fait pas l'unanimité. Mais beaucoup de savants considèrent qu'il est bon qu'il faille le faire. Surtout les savants qui voient l'authenticité du récit, alors ils considèrent qu'il faut regarder l'endroit de la prosternation. L'imam Malik, il est rapporté qu'il dit qu'on peut regarder devant. On peut regarder devant. Mais les savants disent qu'il faut regarder l'endroit qui nous aide plus au khushu'. Et ce qui est rapporté du prophète, c'est, comme regardez, l'auteur va le dire, ce qui est rapporté du prophète, Sassem, dans le récit, c'est de regarder l'endroit de la prosternation. C'est pour ça qu'il dit, les gens de science ont dit, il faut fixer du regard l'endroit où l'on va se prosterner et ne pas regarder à droite et à gauche, conformément au récit d'Ibn Abbas. Parce qu'il y a un récit qui est rapporté à cela. C'est pour ça que beaucoup de savants considèrent qu'on regarde l'endroit de prosternation. Taïb. Et ceux qui prient en groupe, ils regardent l'endroit de la prosternation, sinon, direction de l'imam. C'est permis, ce n'est pas interdit. En ce qui concerne le fait de fermer les yeux, beaucoup posent la question, fermer les yeux pendant la prière. Certains disent que fermer les yeux, par exemple, ça m'aide à me concentrer. Al-aslu fi hadha, la base c'est que les savants disent qu'on ne ferme pas les yeux. Pendant la prière, il ne faut pas fermer les yeux. Mais il faut garder les yeux ouverts. Il faut garder les yeux ouverts pendant la prière. Et comme on a dit, fixer l'endroit de la prosternation et ne pas regarder à gauche ou à droite pour pas se perturber. Il faut faire ce qui nous aide à la concentration. Par contre, ils ont dit, si il y a une chose qui nous déconcentre, pendant la prière. Et là, la personne va fermer les yeux pour éviter de voir cette chose qui peut le déconcentrer. Dans ce cas-là, Ibn Qayyim, par exemple, dit dans ce cas-là, il peut fermer les yeux. Par exemple, pour éviter de voir ou de regarder cette chose qui le déconcentre pendant la prière. À ce moment-là, il peut fermer les yeux. Les savants accordent une grande importance dans ce qu'on va regarder pendant la prière. Pour la concentration. De sorte, ils disent. De même, qu'on va fixer, c'est l'endroit de la prosternation. Mais s'ils disent, par exemple, à l'endroit de la prosternation, il y a quelque chose qui te déconcentre. Et le fait de regarder tout droit, ça va t'aider à la concentration. Du fait que, par exemple, la personne, il a un mur devant lui, blanc. Il a un mur tout blanc. Et là, l'endroit de prosternation, c'est un tapis où il y a des motifs. Et à force d'observer, ça le déconcentre. Dans ce cas-là, il dit, c'est plus à même de regarder tout droit, où c'est blanc, où il n'y a rien qui le déconcentre. Dans ce cas-là, il n'y a rien qui le déconcentre. Sinon, l'as, là-bas, c'est de regarder l'endroit de prosternation. C'est pour ça que certains savants disent, comme Ibn Qayyim, disent que si, par exemple, à la base, il prie les yeux ouverts, il doit garder les yeux ouverts pendant la prière. Sauf que, est-ce qu'on a droit de fermer? Certains savants disent, si par exemple il craint d'être déconcentré par une chose, à ce moment-là, il peut fermer les yeux. S'il y a l'haja, s'il y a un besoin à cela. Sinon, l'asl, c'est de laisser les yeux ouverts. Par contre, Cheikh Ibn Uthaymeen fait une portée d'ascension en disant que par contre, on ne ferme pas les yeux en prétextant qu'on va chercher le khushu'. Comme certains font, ils vont fermer les yeux pendant la prière en disant c'est comme ça que j'arrive à atteindre le khushu'. Non. Par contre, si à un moment donné, pour éviter d'être déconcentré, pour ne pas voir quelque chose qui le déconcentre, il ferme les yeux, certains savants le permettent et disent que la baisse, qu'il n'y a pas de mal en cela. Alaykoum salam wa rahmatullah. Et donc, concernant la question, Mordir al-Nazar, l'endroit qu'on va fixer pendant la prière, je vais vous faire partager une recherche qui a été faite. Une recherche qui a été faite, qui est très très pertinente. Qui est très très pertinente, c'est une recherche. Et sachez que les savants dans leur recherche, c'est des longues recherches qu'ils font, c'est du long travail qu'il y a derrière, c'est des nuits de veiller hein, pour chercher les hadiths, à quoi le ulama, vous savez, pour dire parfois que l'avis de l'imam Shafi'i, c'est celui-là, l'avis de l'imam Malik, c'est celui-là dans la question, l'avis de l'imam Ahmed, il faut aller réviser les livres pour confirmer, parce que tellement de choses sont rapportées, il faut aller confirmer les livres. Pourquoi ? Parce que des fois, dans un seul madhab, les partisans, par exemple, de l'imam Ahmed, dans certains livres spécialisés du madhab de l'imam Ahmed, ils peuvent rapporter un avis de l'imam Ahmed. Et d'autres vont rapporter un autre avis de l'imam Ahmed. Et les savants font des recherches immenses sur ça. Et nous, alhamdoulilah, on a ensuite ces recherches-là, et en quelques heures, on peut les lire, et c'est des nuits qui nous ont été évitées, alhamdoulilah, le bahth en quelques minutes ou heures de lecture de ces bahuth. Concernant la question, al-nadhar, il y a une très belle faïda qui était rapportée fi harakat al-basar fi salah. Al-masala hiya, le fait de bouger le regard pendant la prière. On va parler de le fait de bouger le regard, de regarder là ou là pendant la prière. Qala ba'd al-mashayikh, لا تخلو حركات البصر وأحوالها في الصلاة من أربع حالات. Certains savants vont évoquer quatre situations. Le fait de regarder pendant la prière n'est pas dénué ou exclu de quatre situations. Retenez bien ces quatre situations. Quand on dit quatre situations, on va parler al-istihbab, wal-karaha, wal-wujub. On va parler de ça. Al-halatul oula, le premier cas, ou plutôt quatre situations, quatre cas, on va dire. Quatre cas. Halatul istihbab. Donc notez bien, le premier cas, halatul istihbab. On parle de ce qu'on regarde pendant la prière. Le premier cas, c'est l'istihbab. Ce qui est recommandé de regarder pendant la prière. Et ça, c'est un sujet qui nous touche tous, parce que pendant la prière, ce qui est le principal, c'est qu'on cherche la concentration, elle khushu' pendant la prière. Et donc, ce qu'on dit là, c'est pour nous aider à être le mieux concentré pendant la prière. C'est pour ça que le regard, la question du regard, c'est lié à la question de khushu'. Observez bien les écrits des savants sur la question, observez bien les écrits, vous allez voir que la question du regard, elle est liée avec le khushu'. Et les savants lient les deux questions entre le khushu' et al-nazar. في الصلاة. regardez, قالوا لا تخلو حركات البصر وأحوالها في الصلاة من أربعة حالات. قالوا حالة الأولى حالة الاستحباب وتكاد تتفق أقوال أهل العلم على أنه يستحب للمصلي أن يجعل نظره موضع السجود وأن لا يفارقه ويجاوزه إلا في حالة التشهد حيث يسن رفع الإصبع السبابة والنظر إليه. Le premier cas, c'est le cas de ce qui est recommandé. Qu'est-ce qui est recommandé de regarder pendant la prière? Alors, le premier cas, c'est la recommandation. Alors, il y a presque un accord que le meilleur, ce qui est recommandé pendant la prière, c'est de regarder l'endroit de la prosternation. Qu'il regarde l'endroit où il va se prosterner. Il y a presque un accord. Mais on a dit qu'il y a un récit, mais il n'y a pas unanimité sur l'authenticité du récit. Il n'y a pas l'unanimité sur l'authenticité du récit. Et l'imam al-Nawawi, justement, a parlé de ce récit qui est rapporté par Ibn Abbas dans Kitab al-Majmu'a, dans son livre Al-Majmu'a. Mais une grande partie de savants s'accordent pour dire que ce qui est recommandé, l'istihbab, c'est regarder, comme on l'a dit précédemment, l'endroit du sujoud. Wa alla yufariqahu. Et qui se détourne pas, de cela. Sauf, comme on verra, au moment de at-tashahhud. Au moment du tashahhud, on fixera l'extrémité du doigt, le doigt. Lorsqu'on fera tashahhud, mais là, on en parlera lorsqu'on fera tashahhud. Là, celui qui fait tashahhud, il regardera son doigt. Et on parlera de la manière de faire at-tashahhud. On parlera de la manière. Qu'est-ce qu'il faille dire pour tashahhud, mais aussi comment est-ce qu'on fait montrer avec le doigt lorsqu'on parlera de at-tashahhud. Et aussi certains ont parlé de lorsqu'on est incliné. Certains ont dit on regarde l'extrémité des pieds lorsqu'on est incliné, lorsqu'on est prosterné. Certains ont parlé de qu'est-ce qu'on regarde, mais en général ce qui est recommandé, l'endroit de la prosternation quand on est debout. وقال الإمام أحمد بن حنبل الخشوع في الصلاة أن يجعل نظره إلى مواضع سجود إلى مواضع سجوده. Et l'imam Ahmed, il est rapporté qu'il disait que la concentration, vous avez vu, je vous ai dit précédemment que cette question de l'endroit qu'on fixe est liée avec le khushu'. Et l'imam Ahmed, il est rapporté qu'il disait al khushu'u fi ssalati, la concentration dans la prière, an yaj'ala nadharahu ila mawdi' as-sujud, qu'il fixe l'endroit de la prosternation, comme c'est rapporté par l'imam Ahmed. C'est pour cela que il est rapporté de Shariq annahu qala yanzur fi hal qiyamihi ila mawdi' sujudihi, que ça c'est lorsqu'on est debout. Lorsqu'on est debout, il est rapporté d'un grand imam qui disait lorsqu'on est debout, on fixe l'endroit de la prosternation. Wa qala wa fi ruku'i ila qadamai, et lorsqu'il est incliné, ses deux pieds. Wa fi hal sujudihi ila anfihi, et lorsqu'il est prosterné vers son nez. وفي حال التشهد. Ensuite, il va parler de حال التشهد et on reviendra sur cela, inshallah. وقال الحافظ ابن حجر ويمكن أن يفرق بين الإمام والمأموم فيستحب للإمام النظر إلى موضع السجود وكذا للمأموم إلا حيث يحتاج إلى مراقبة الإمام وأما المنفرد فحكمه حكم الإمام. Et الحافظ ابن حجر, il fait la distinction et la différence. Il dit, l'imam, lui, regarde l'endroit de la prosternation. De même, al-ma'amoum, de même que le fidèle. Sauf que parfois, le fidèle, il peut être amené à regarder l'imam. Li-muraqabat al-imam, pour surveiller l'imam. Si, par exemple, imaginez-vous, l'imam fait une prosternation de récitation. Les gens observent l'imam pour voir, être sûr, est-ce qu'il s'est prosterné. Il observe l'imam, on a le droit. C'est pour ça que c'est pas en vain que Cheikh Ibn Uthaymeen a mentionné des récits qui apportent que les compagnons observaient le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme on avait mentionné dans les incises précédentes. Donc, ils peuvent, à un moment donné, muraqabat al-imam, surveiller l'imam et voir ce que l'imam fait. Cela est permis. Ensuite, il y a d'autres choses qui sont dites. Moi, j'avance. On parle du deuxième cas. Le deuxième cas, le cas permis. Ce qui est permis. Là, le premier cas, c'était quoi? Al-istihbab. Ce qui est recommandé de regarder, on a cité précédemment l'endroit de la prosternation. Deuxième cas, halat al-jawaz. حالة الجواز يجوز للمصلي النظر إلى قبلته في الصلاة. Maintenant, ce qui est permis, on va dire, de regarder. On a parlé de ce qui est recommandé dans le premier cas. Maintenant, ce qui est permis. Certains savants autorisent de regarder la direction de la Qibla, puisqu'on est orienté vers la Qibla. Donc, de regarder en direction de la Qibla, c'est permis. C'est pas le mustahab. Adam in Bab al-Jawaz. C'est pas Moussa. Permis, ils disent. Qalou, bel, vahab al-imam ou malik, il a stihbab idhalik. Par contre, lui, l'imam Malik, lui, il a classifié cela min bab al-istihbab. L'imam Malik, lui, voit que, il est rapporté de lui qu'il voyait que c'était mustahab. Mustahab de regarder en direction de al-qibla. En direction de al-qibla. وقد قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره فولي وجهك شطر المسجد الحرام في هذه الآية حجة واضحة لما ذهب إليه مالك ومن وافقه في أن المصلي حكمه أن ينظر أمامه لا إلى موضع سجوده. الإمام القرطبي lorsqu'il a dans son tafsir expliqué le verset فولي وجهك شطر المسجد الحرام, ce verset-là, et oriente ta face vers la mosquée sacrée, une traduction relative. Il dit, dans ce verset, on a une preuve. On a une preuve claire et explicite de l'avis de l'imam Malik. De l'avis de l'imam Malik et d'autres qui ont eu l'avis de l'imam Malik de pouvoir regarder en direction de Al-Qibla. En direction de Al-Qibla. Donc ça, c'est Minbab al-Jawaz. Vous faites bien la différence entre al-Istihbab et al-Jawaz. Recommander Mordeh al-Sujud. Regardez direction de al-Qibla, Minbab al-Jawaz. Selon certains savants, ils disent c'est permis. Walil musalli aydan jawaz al-Nazar ila amamihi fi athna'i salah. Parmi les permissions aussi, certains savants autorisent la permission de pouvoir regarder devant soi. Devant soi pendant la prière. وقد بوب الإمام مال الإمام البخاري في صحيح باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة. Et vous retrouvez un chapitre dans l'authentique de l'imam al-Bukhari où l'imam Bukhari a dit chapitre concernant le fait de lever le regard en direction de l'imam pendant la prière. Pendant la prière. لا إله إلا الله رب رب هذه دعوة التامة في الصلاة القائمة أتي محمدا الوسادة والفهم. إذا نكمل الكلام, إذا نحن في الحالة الثانية فيما يجوز في من النظر والبصر في الصلاة. وتوقفنا عند قول المصنف وللمصلي أيضا جواز النظر إلى إمامه في أثناء الصلاة. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة وأورد فيه بعض الأحاديث الدلة على ذلك، ومنها حديث خباب رضي الله تعالى عنه أنه قيل له: أكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. وذكر أنهم يعرفون قراءته عليه الصلاة والسلام باضطراب لحيته. Et là, l'imam al-Bukhari, il rapporte, donc il mentionne un chapitre, en disant chapitre concernant Babu Raf al-Basar ila l'imam fi salah, le fait de pouvoir lever le regard vers l'imam pendant la prière. Et il a mentionné un récit, le récit de Khabbab, où les gens lui ont dit: est-ce que vous pouvez voir? Qu'il a kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqra fi adh-dhuhri wal 'asr. Est-ce que le prophète, pour les prières du dhuhr et du 'asr, est-ce qu'il récitait? Et le compagnon leur dit: on pouvait voir et contempler la récitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport au mouvement de sa barbe. Imaginez-vous, par rapport au mouvement de la barbe, plutôt le fait que la barbe bougeait du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il savait que le prophète était en train de réciter. Ça prouve qu'il regardait en direction du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme lui-même, Cheikh Ibn Uthaymeen rapporte des récits, comme c'est rapporté par le hadith de Al-Azib, أنهم كانوا إذا صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه من الركوع قاموا قياما حتى يرونه قد سجد قد سجد. Il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait au cours des prières qu'il accomplissait, les compagnons disent au cours des prières qu'ils accomplissaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se tenait debout après l'avoir suivi, lorsqu'il relevait la tête, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de l'inclinaison, il pouvait le voir se prosterner. Il voyait le prophète sallallahu alayhi wa sallam se prosterner. Ça prouve quoi? Qu'il voyait le prophète et le regardait. Il le voyait quand il se prosternait. Et Shir mentionne un autre récit. « قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت قال إني أريد الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذت لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. » Et le prophète enseigne un jour, ils lui ont dit: « Ya Rasulallah, au messager d'Allah, nous venons de te voir pendant la prière. » Le prophète faisait un geste, comme s'il essayait d'attraper quelque chose. Il essayait d'attraper quelque chose. Et le prophète, ils l'ont vu qu'il hésitait. En essayant d'attraper la chose, le prophète était hésitant, il avançait, il reculait. Et là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit: « Inni uritul jannah. » On m'a fait voir le paradis pendant la prière. Et le prophète, il a dit: « Fatanawaltu minha unquda. » Et il a essayé de prendre un fruit. Il a essayé de tirer, d'attraper une grappe de fruits. Et le prophète a dit: « Si j'avais pu réussir à la prendre, vous auriez pu en manger jusqu'à la fin de vos jours. » Là, pourquoi il dit ça? Ça veut dire que les compagnons, ils regardaient, ils ont vu que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, essayait de prendre quelque chose. فَنَظَرُوا إِلَى جِهَةِ الْإِمَامِ إِلَى جِهَةِ الْإِمَامِ فِي الصَّلَةِ فَنُكْمِلَ الْكَلَامِ فَقَالَ الْحَلَةُ الثَّالِثَةِ حَلَةَ الْكَرَاهَةِ حَلَةَ الْكَرَاهَةِ. Le troisième, pour terminer, et on terminera demain, Inch'Allah, ce qui est maintenant déconseillé, ce qui est déconseillé de faire. قال العلماء يكره أيضا في الصلاة تغمض العينين. Le fait de fermer les yeux. يكره. C'est détestable. إلا لحاجة ولا يعلم في ذلك في هذه المسألة خلاف بين الفقهاء. Et les savants disent, sauf s'il y a un besoin de fermer les yeux, comme on l'a dit précédemment. S'il y a un besoin de fermer les yeux pendant la prière, on ferme. Sinon, on prie pas les yeux fermés pendant la prière. On prie pas les yeux fermés. فهذا الحالة الثالثة الكراهة. Le fait de fermer, تغمض العيون أو العينين في الصلاة يكره. Ça c'est déconseillé. إلا أن الإمام ونكتفي وسنكمل بهذا الكلام بكلام ابن القيم. إلا أن الإمام ابن القيم ذكر ولم يكن. قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد. في زاد المعاد. قال الإمام ابن القيم قال ولم يكن من هذه صلى الله عليه وعلى آله وسلم تغمض عينيه في الصلاة. تغمض عينيه في الصلاة لم يكن من هذه النبي صلى الله عليه وسلم. ورجعوا كتاب زاد المعاد المشهور للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. ولذلك روي عن الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه قال أو قيل فكره الإمام أحمد وغيره وقد كرهه الإمام أحمد وقالوا هو فعل اليهود تغميض العيون والأعين في أو العينين في الصلاة، هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى ذكر أن هذا كمن هدي المجوس كذلك في عبادتهم، كانوا يغمدون أو يغمدون أعينهم في الصلاة. والصواب والخلاصة قال والصواب إن كان تفتيح العينين لا يخل بالخشوع فهو أفضل، وإن كان يحول بينه وبين الخشوع لما في قبلته من الزخرف أو التزويق أو غيره مما يشوش عليه قلبه فهنالك لا يقرأ التغمض قطعا. وسنترجم هذا الكلام في حلقة قادمة. que certains savants ils ont dit sauf si on sait que dans la jia qu'on est en train de regarder on a dit النظر يكون في موضع السجود موضع السجود. Si on sait que là il y a quelque chose qui nous déstabilise qui nous déconcentre dans la prière, là il est permis de fermer les yeux à ce moment-là pour ne pas être déconcentré. Par exemple, vous voyez quelque chose, Zuhruf, c'est Zakharif, quelque chose qui est embelli. Et ça vous déconcentre dans la prière. Ça vous déconcentre dans la prière. Comme on l'a dit tout à l'heure, s'il y a un mur qui est blanc devant vous, et là, vous priez sur un tapis où il y a des motifs, ça vous déconcentre. Là, vous pouvez regarder Jet, Al-Hayt, le mur. Vous pouvez regarder vers le mur pour ne pas être déconcentré. Mais si là, vous voyez quelque chose qui passe, et ça va vous déconcentrer dans la prière, à ce moment-là, il est permis de fermer les yeux. Pourquoi ? L'ilhaja. Parce que l'ilhaja, في يوم غد إن شاء الله سنترجم هذا الكلام والصواب إن كان تفتيح العين لا يخل بالخشوع فهو أفضل وإن كان يحول بينه وبين الخشوع لما في قبلته من الزخارف أو التزويق وغيره مما يشوش عليه قلبه فهنالك لا يكره التغمض قطعا والقول باستحبابه هذا الحال أقرب إلى أصول الشرع ومقاصده من القول بالكراهة والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم